Vivre et créer à la montagne. Alors, ce soir, une émission presque entièrement consacrée à toute l'actualité, même entièrement consacrée à toute l'actualité théâtrale et animation culturelle de la région. Sur l'air de la tarentelle des musiciens de la vallée des lacs. Un ancien 33 tours. Voilà, donc après plusieurs émissions consacrées presque entièrement au Théâtre du Peuple, force évidemment de donner parole à ce grand théâtre et de faire écho de ce qui est la principale animation culturelle de la région, on a quand même un petit peu atténué, enfin un peu moins fait écho à tout ce qui se passait autour, malheureusement. Enfin, il y a des tas de choses qui sont passées, mais on va les reprendre maintenant et je vous ferai écouter ce soir eh bien, un certain nombre de références. D'abord, d'événements qui vont se passer en septembre, le septembre culturel, notamment de l'association Recré, celle qui donne son nom à Vivre et Créer à la Montagne, puisque Recré s'appelle Recré, Vivre et Créer à la Montagne, et c'est d'une certaine façon son émission, mais pas que. Il y a donc Recré est aussi l'écho de tout. Enfin, Vivre et Créer à la Montagne, c'est tout ce qui vit et crée à la montagne. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il va y en avoir qui se passent dès dimanche, je vous en parlerai, dès le week-end d'après, et encore le week-end d'après, et encore le week-end d'après. Enfin, tout le septembre culturel qui est notamment important autour de Bussan, après la saison du Théâtre du Peuple, eh bien ça continue d'une autre façon avec la région de Bussan et on en est en fait ici Remiremont, c'est aussi la région de Bussan. Voilà, alors je vous parlerai de ce qui va se passer ces prochains week-ends et de tout ce que vous pourrez ouïr. Alors c'est vrai que tout ce que vous pourrez ouïr de ce qui s'est passé cet été. Alors il y a eu le plateau Ivre, on y était, bon c'était déjà il y a 15 jours, là, à la fin de saison, il y avait notamment The Strange Ladies, moi que j'ai bien apprécié, malheureusement j'ai pas beaucoup pu aller. Excuse-moi le plateau Ivre, excusez-moi Hélène et Pierre-Marie, bon, et puis les autres, eh ben, j'ai pas pu beaucoup y aller, mais c'était vraiment remarquable, les Strange Ladies, j'ai découvert ça au final. Alors donc, voilà, du Théâtre du Peuple, on en reparlera aussi encore dans la saison, dans les échos de la saison, j'ai encore des interviews souvent souvent très laudatifs, sur, notamment la pièce centrale Littoral. Parfois un peu plus partagé sur Molière, les Molières qui ont quand même percuté. Et Molière très particulier, vous l'avez vu ou su ce qu'il y a été. Voilà, ça fait écho. Et pendant longtemps, on dit « Ah, c'est là qu'il y a les gens tout nus ». Oui, bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a surtout un art tout cru. Alors, j'ai beaucoup de choses à passer encore sur le théâtre du peuple. Il y a tellement de choses qui sont passées, des lectures qui se passaient près de dans ce qu'on appelle la clairière aux abeilles, avec des remarquables tous les jours. Il y avait des impromptus. Il y a eu aussi les rencontres auteurs amateurs dont je rendrai compte sûrement ultérieurement parce que j'ai pas assez de place là. J'ai que 3 heures, c'est pas beaucoup. Et donc. Il y a eu les rencontres auteurs amateurs, le débat qui a suivi. Il y a eu on a parlé de Lenz, j'en ai pas reparlé, c'est une forme remarquable. On pourrait aussi évoquer puisqu'on est au Théâtre du Peuple. J'avais dit qu'on parlait du reste, mais il faut déjà parler de ce qui va se passer au Théâtre du Peuple. Alors ce qui va se passer au Théâtre du Peuple, c'est 2 choses, une que je viens d'apprendre. Je parle pas des faits divers de 15 et 7 décembre, on aura le temps, mais je parle de ce qui se passera à partir du 13 octobre à 20h dans la grande salle. C'est Tumulte, une pièce de Marion Aubert, celle qui avait écrit le Brame des Biches, qu'on a revu en film d'ailleurs. Bon, on pourra en parler du Brame des Biches. C'est vrai que voilà, moi j'avais fourni des documents à Marion Aubert sur l'histoire des ouvriers textiles qu'on avait travaillé à l'époque. À l'époque, c'est même l'époque de Jacques Lang, c'est vieux, avec la Société d'Histoire Locale. Bon, elle a utilisé les documents sur la vie ouvrière. Elle les a fait de façon olé olé, parfois, bien sûr, on peut en discuter. Pierre Pelot avait été un petit peu, avait levé un petit peu le bouclier face à ça il y a 9 ans. C'était 9 ans. C'était en 2009. Non, 2011, pardon. Et donc, c'était la dernière pièce du temps de Pierre Guillois. Mais bon, en tout cas, c'est un écrivain percutant et elle fait, ça j'en parle déjà quand même, on en reparlera, le 13 octobre 2018 à 20h dans la grande salle. Eh bien, une pièce qui s'appelle Tumulte, avec des jeunes comédiens. Paniqués par l'état du monde, une troupe de jeunes acteurs décide de préparer la révolution. Alors, on verra ça. Alors, les réservations se font au théâtre, mais aussi, eh bien, vous pouvez, par ici, par l'association Recré, notamment, Idéal 88 en général, mais Recré en particulier. Et donc, vous pouvez toujours, écoutez, demander. Si vous les êtes intéressés, inscrivez-vous, demandez à Radio Gémozo, c'est le plus simple. Sinon, je donne quand même mon numéro, on ne sait jamais, si jamais vous le prenez. 06 83 17 66 36, hop, voilà. Mais vous pouvez vous informer direct au théâtre. Mais par nous, associatifs, vous avez un tarif réduit en seconde, bien sûr. 15€ seulement, au lieu de 19, je crois. Voilà. Et donc c'est un peu intéressant. Voilà. Tumulte. Mais il y aura aussi une nouvelle entreprise de Simon Delétang, notre nouveau directeur, enfin, qui a fait une saison remarquable et remarquée, et qui va commencer un travail avec les amateurs, qui me rappelle un peu vivre une aventure théâtrale. Ça commencera à partir du 11 octobre, justement, juste un peu avant. Et là, il faut s'inscrire au théâtre. C'est un travail de longue durée, sur 2 ans, avec des amateurs de la région. Alors je pense qu'il y aura plusieurs sessions, on pourra y aller sur plusieurs fois. La première va commencer bientôt, il faut s'inscrire avant le 24 septembre. Voilà, mais il faut se téléphoner au théâtre. Bon, tout ce que je peux dire, c'est qu'il s'agit d'une pièce assez difficile, peut-être de sujet, qui sera montée avec les amateurs sur les procès d'Auschwitz. Mais évidemment, quelque chose de très prenant. Voilà. Bon, j'ai parlé du théâtre. Je parlerai ce soir de ce soir, on va faire quoi ? On va parler de ce qui va se passer bientôt, en premier lieu, déjà ce week-end. Deuxième lieu, je rediffuserai l'émission de l'ami Michel Ougeté sur recréer, vivre et créer à la montagne, notre association qui justement a tenu beaucoup d'animation, je dirais, depuis toute l'année, et notamment là au feu du ballon, dont on n'a pas parlé encore, pourtant il y avait 1000 personnes, ainsi qu'à la fête du ballon, il y avait aussi 3-4 000 personnes, ainsi que dans d'autres occasions, Fontenoy-le-Château, lecture Vittel. Bon, tout ça, ça rebondit, il faut qu'on en parle un petit peu, même pas mal, et même on y reviendra, mais là, il faut en donner la substance. Il y a eu le château de Hans avec la compagnie Jolimôme. Alors justement, c'était une compagnie sympathique, on y a été, j'avais passé les extraits, mais j'ai encore envie de vous en passer, parce que justement, le château de Hans, c'est une belle pièce de Maurice Potter qui a été redépoussiéré, je dirais, par l'ami Louise Fauté, à qui nous souhaitons de bientôt pouponner. Poupon, Louise, voilà. Et c'est pour ça qu'elle ne pourra pas jouer bientôt avec nous. Hein. Elle jouera plus tard, on la prendra, à Bussan, c'est sûr. Et voilà, je parlerai aussi, mais oui, on était à Fontenoy-le-Château il n'y a pas longtemps, on a fait diverses formes, on a fait notamment une forme avec l'Union des écrivains vosgiens, Alice au Pays des Merveilles. Bon, on en donnera peut-être un extrait tout à l'heure. Et après l'émission de l'ami Michel et de l'ami Félicie, parce que même cette émission de seulement une heure, on n'a pas pu tout dire. Alors je développerai un peu après sur les diverses activités de recrée. Puis nous aurons, tu vois, Fontenoy-le-Château, je disais, la lauréate du prix, qui est une Corse, of course. Ah ben tiens, c'est pour ça que j'avais préparé une musique corse, que je vous passerai tout à l'heure, tiens. Ça vaudrait le coup. Et elle est venue de Corse, of course, et elle a eu le prix François Matelet cette année, j'en parlerai de ça. Alors, il y a des tas de choses à dire. À Fontenoy, également, on a rencontré une remarquable chanteuse australienne, pardon, Lucie Galland, aussi belle que talentueuse. Voilà. Bon, je voudrais vous en faire écouter des extraits. Et puis voilà, tout ça va nous occuper une bonne partie de la soirée. Peut-être qu'il y aura encore un peu de temps, mais on ne sait pas d'ici minuit. Alors déjà, je vais commencer par une musique qui me fera écho à Contrexéville Insolite, le 17 juin dernier. Là, il y avait le groupe La Sauce Publique, qui anime Contrex Insolite, qui est aussi un groupe de musique. Alors je leur ai pris le disque, j'ai des enregistrements, mais là, vous écouterez un petit peu leur bal festif et décalé. C'est avec La Sauce Publique, c'est avec Marielle Duru notamment, au chant. Et puis Thiel Sujet, qui est un des Thiel. Thiel l'espiègle, voilà, il est espiègle. On va écouter un peu ça pour mettre un peu de l'ambiance, de revenir un petit peu, au moins par écho, à Contrexéville Insolite, où on aura aussi Alice au Pays des Merveilles, qu'on a fait en forme libre. Du moins, vous en aurez aussi un extrait, si on n'arrive pas à tout passer dans les petites 3 heures que nous avons, et dont j'ai déjà mangé 14 minutes, rien qu'en parlant. Alors, voilà. Alors on y va. Je mange, tu manges, il mange. Je graille, tu grailles, il graille. Je bouffe, tu bouffes, il bouffe. Je mal bouffe, tu mal bouffes, il mal bouffe. Ce matin j'ai acheté des plats trop salés, des plats trop sucrés, des plats en graisse saturée. C'est la danse du glucose, du fructose, du xylose. fruits et 5 légumes frais. Non. Ben non. Je mange, tu manges, il mange. Je gratte, tu grattes, il gratte. Je bouffe, tu bouffes, il bouffe. Je malbouffe, tu malbouffes, il malbouffe. La chose s'emballe par La Chose Publique, un groupe de Nancy, avec des textes et de la musique de Till Sujet, le malin Till, petit Till, et puis la très belle Marielle Duru qui chante et danse. Voilà, belle brune, d'ailleurs. Vous pouvez imaginer, si vous l'avez jamais vue. Donc, danseuse aussi remarquable. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Bien, tout ce qui va se passer à partir de ce week-end du septembre culturel. Septembre culturel, autour de Bussan. Tout un mois entier de 4 week-ends d'animation. D'abord, eh ben, on commencera par le premier, qui commence pas samedi, mais dimanche. Hein. Donc demain, il n'y a rien. Mais si c'est la rediffusion, il y a eu. Si c'est mercredi, la rediffusion, il y a eu. Ben, c'est trop tard, mais ça fait rien, vous pouvez aller à la suite. Oui, donc, 4 week-ends, le premier, ben, le 9, seulement le deuxième 15 et 16, le troisième 22 et 23, et le quatrième on a ajouté même le concert de l'harmonie, le dernier dimanche de septembre. Voilà, ah ben ça vous garnit tout le mois de septembre, ça. Et je vais commencer par le premier week-end, sur lequel je vais développer un petit peu, bien qu'on en reparlera tout à l'heure dans l'émission de La Parole est à vous, que je rediffuse tout simplement, puisque j'en étais l'invité et que ça m'évite de reparler de la même chose. Et en plus, c'est intéressant parce qu'il y a les voix autres que la mienne, ce qui est toujours intéressant. On sort du monoprosodie. Alors pour l'instant, on en est réduit à ça. Dimanche 9 septembre, donc, à l'écoute de la haute forêt de la Quinzemus. Qu'est-ce que la Quinzemus? C'est une forêt. Ah ben, qui est à 1000 mètres d'altitude, entre Vintron, Bussan et le Ménil. Alors, depuis plus d'une décennie, Recréer, Vivre et Créer la Montagne, donc, assure autour de ce mois de patrimoine une animation culturelle sur Bussan et périphérie. Action qui a été encore plus accentuée à partir de 2011 avec le parc, où on a fait des ballons en balade, et surtout depuis 2013, où on a commencé sur 3 week-ends d'exprimer un mois culturel. Une balade déjà commence ce mois culturel. Elle est devenue incontournable. Elle a été mise au point avec le sculpteur bien connu, l'Hercule des Hauts, l'Hercule de notre forêt aux 80 travaux, Francis Cuny, bûcheron et sculpteur, et Frédéric Durand, fils de François Durand soi-même, notre animateur, du lundi et du vendredi en alternance. Donc, 80 bancs l'un, le tétraède symbolique l'autre. La forêt culturelle est un terme qu'a employé Yvan Mougel de l'ONF, de Fraisse, et elle était terra incognita, un petit peu isolée, à 1000 mètres, une sorte de plateau, je dirais, entre les deux vallées de Moselotte, les trois vallées, enfin, ruisseau de Vintron, c'est pas tout à fait la Moselotte, le ruisseau des Ménils et la Moselle. Et, en fait, autrefois, elle a été abandonnée vers la guerre de 14, la 15 mus. Et autrefois, c'était un lieu de rencontre, et les jeunes, par exemple, de Vintron à Bussan, ou de Bussan au Ménil, de Ménil à Vintron ou à Fraisse, etc., ils passaient pour aller au bal, et souvent se battre, boire un coup et se battre, mais en tout cas, c'était des liens quand même plutôt amicaux, hein, même si on se battait un petit peu sur le nez, mais c'était les coutumes montagnardes des deux gaillards de la montagne. Et le maire de Vintron, Jean-Claude Doustessier, nous rappelait que ce rôle traditionnel, même à son époque, il n'est pas bien vieux, mais ça a continué, parce qu'un peu après la guerre de 40, ça continuait aussi, bien sûr. Alors, Francis Cuny, à partir de 2013, quand on lui a mis sur le coup de ce projet, il a dit, il faudrait fédérer tout le monde, mettre en liaison tout le monde. Alors, il a commencé à vouloir faire les 12 bancs, la convergence des chemins. Puis, de 12, c'est devenu 40. Puis, de 40, c'est devenu 80. Et il a voulu prendre pour ça les arbres tombés et aussi faire que ces arbres deviennent des bancs sur lesquels on s'assoit pour contempler la beauté de la nature. Et cette idée de réhabiliter les arbres a été complétée par Frédéric Durand. Cette idée donc de rendre hommage aux arbres tombés a été complétée par l'idée de Frédéric Durand, qui est un sculpteur aussi, plutôt sur bronze d'habitude, mais là il a fait sur bois, qui a édifié un monument. On a un monument qui représente l'atome. Enfin, il est beaucoup plus gros qu'un atome. C'est 3 mètres environ, au centre de la forêt de 15 mus, à Fort-Goutte. C'est dans un endroit qui est le lieu de convergence des trois communes, Bussan, Vintron, Le Ménil. Et c'était là aussi qu'il y avait une chaume disparue, à Fort-Goutte, au siècle d'avant. Et c'est que, au XVIIe siècle peut-être même. Et donc, cette chaume disparue, eh bien, on en trouve une trace par une croix de Lorraine, qui symbolise cette reconquête historique des Lorrains, des marqueurs lorrains sur les marqueurs alsaciens, puisque cette région était très convoitée. Alors, il y a des tas de trucs là-haut, il y a notamment les mines d'or, dites mines d'or du célèbre abbé Morisot, enfin célèbre, on l'a rendu célèbre parce qu'on a fait une conférence là-dessus il y a quelques années, il y a 3 ans, et donc 15 mus, c'est aussi un lieu mythique. En fait, ces mines d'or n'ont peut-être pas existé. Certains m'ont dit, si, il y en a eu. Puis elles ont, en tout cas, les galeries ont été effondrées. Et nous, on va se retrouver là. On va se retrouver là pour une convergence particulière. Alors, j'en parlerai encore un peu plus loin, parce qu'il y a de quoi dire, hein, même sur une journée. Et donc, ce tétraèdre est un monument à la vie. Alors, là-dessus, effectivement, d'ailleurs, 15 mus, c'est aussi intéressant parce que ça veut dire chemin, et là, les chemins se croisent. Alors, l'atome de carbone, monument à la vie, le tétraèdre. On va converger vers lui depuis deux directions. L'une menée par Francis Cuny, sur les pas de frère Joseph. En effet, frère Joseph, il a un ermitage, et un peu plus bas, il a vécu, donc un peu plus bas, donc il a vécu aussi dans la 15 mus, mais c'est d'un peu plus bas de frère Joseph, disais-je, ou ne disais-je pas, que on partira devant les pistes, devant le parking, arrivé en bas des pistes, c'est à 400 mètres sous Frère Joseph, voilà ce que je voulais dire, d'exact. Donc sur les pas de Frère Joseph qui habita le tronc de l'ermite en pleine Quinzemus. Puis, sur les pas de Colas de la Quinzemus et de Dédette. Bon, Colas de la Quinzemus, c'était un ouvrage de la bibliothèque de travail, écrit par Gaston Filieu, feu, bien sûr, encore, ancien instituteur Bussan, qui narre la vie difficile et exaltante au début du XXe siècle, avant la Grande Guerre, dans cette haute vallée de cinq fermes. Cinq fermes, c'est pas le sens de Quinzemus, qu'on en dise, mais il y a d'autres sens, je lui dis, caminer, peut-être, ou des termes celtiques, mousse, ou pré-celtiques même, très vieux ce terme. Bon, mais en tout cas, cinq fermes, et qui communiquaient parfois par des tunnels, voilà. Et on a fait sur les pas aussi de Dédette. Dédette, qui était Dédette? Je vous l'ai fait écouter peut-être il y a quelques années, il faudra que je le refasse écouter. C'était un fabuleux conteur de Bussan qui pouvait vous rester une heure sur la fabrication des fromages sans qu'on soit lassé. Un type formidable, décédé en tirant un sureau, en arrachant un sureau simplement. Il devait avoir un problème cardiaque, certainement, et décédé devant sa cascade en novembre 2014. Et c'est lui qui menait les balades de ce côté-ci avant. Ce coup-ci, le départ se fera encore à Bussan, depuis le parking, route du Col du Page, 400 mètres dessus d'Azur et 20, avec Frédéric Durand. Tout ça à 1h30 de marche, environ 2 km, à travers des vestiges d'anciennes fermes, côté Bussan. Les flûteaux, tout ça, et pas beaucoup de déclivité du côté de Bussan, un peu plus raide par 20 troncs, mais pas plus de 150 mètres de dénivelé quand même, de là où on part. Le rendez-vous donc s'effectue au tétraèdre, comme je disais, près de l'ancienne Somme, et disparu, et de ces galeries disparues dont a parlé Francis Pierre et Dominique Eckenbener de la Sésame, dont je reparlerai également pour le troisième week-end. Alors, mine d'or auquel quelques-uns croient encore, hein, même si c'est peut-être une escroquerie ou une illusion, mais il y a eu un procès, peut-être qu'il y avait un tout petit peu d'or, qui sait. Dédette, il le disait en tout cas, il disait qu'il en avait vu. Mais du haut du ciel, il ne peut pas trop nous communiquer ça. Alors, il y aura un atelier d'écriture à midi. Alors, d'abord, on va faire un midi un peu avant, un apéro offert par Recret. Et à 13h30, après le repas, tirer des sacs, un atelier d'écriture « Beauté de la forêt » par Maggie Louis et moi-même. Abri possible en cas, mais je pense qu'il fera beau. Et papier et stylo bille fournis, je précise. Il faudra que j'achète le papier et les stylos billes demain, d'ailleurs, il faut que je me le rappelle, je me mets une corne à l'oreille. Le thème de cet atelier est motivé par celui du printemps des poètes 2019, qui sera la beauté. La beauté, bien sûr, nous on a pensé à la beauté sur la forêt, en relation aussi avec les dernières recherches sur la communication secrète des arbres, tel que le décrit l'ouvrage remarqué du forestier allemand Peter Wolben, dont je vous reparlerai, « La vie secrète des arbres, ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent ». Assez fabuleux, parce qu'on apprend que, par exemple, par les racines, c'est un véritable réseau internet que développent les arbres, qui finalement sont très vivants. Ça nous rappelle ce que disait aussi Maurice Potter dans le château de Reims, où il disait « Les arbres vivent, ils vivent, tout est vivant ». Peut-être qu'on l'écoutera tout à l'heure dans le château de Reims, si je fais un extrait. Et cet atelier n'est pas obligatoire. Il est laïque, gratuit, mais pas obligatoire. Et ceux qui ne voudront pas écrire pourront faire le tour de ces parages, essayer de trouver de l'or, mais je ne garantis pas parce que les galeries ont été volontairement écroulées. C'était trop dangereux. C'était assez sableux, en fait, là-haut. Alors, retour par les parkings de Vintron et Bussan, et de là vers Travexin. Lecture le soir en musique à Travexin, à la cabane magique du Père Francis, de Francis Cuny, à 19h, en musique, après apéro d'ailleurs aussi, toujours offert, et repas pizza, qu'on verra sur inscription, sur place. On ira vite à Cornimont chercher, c'est pas un problème. Et on apporte des compléments. La cabane, vous la connaissez peut-être tous, en tout cas c'est un monument remarquable, aussi exceptionnel, baroque, étrange, un peu une espèce de cabane de Baba Yaga que le génial Francis Cuny a édifié il y a bientôt une cinquantaine d'années. Moi je me rappelle quand j'avais découvert ça avec les élèves, on était enchantés, on y est toujours. Alors on lira les textes, et là on attend les musiciens et chanteurs. Par exemple, j'attends Sylvie Leguet qui a dit « probable ». Michel Génini, ben non, il a dit que non. Donc pas Michel Génini, tant pis. Qu'on écoutera un peu tout à l'heure malgré tout, on va pas le punir. Michael Gérard, Michael Grieser, Fred et la petite musique des montagnes, on compte sur lui. Et bien d'autres, notamment bah, ceux du Printemps de la Chanson de François Feutet, qui est toujours attendu. Qui ne s'inscrit pas nécessairement, mais qui viendra. Alors, inscription malgré tout, nécessaire. Oh, qu'est-ce que je lis au 7 septembre, c'est trop tard. Ah non, on peut encore faire demain. Demain samedi, mais pas plus tard, parce que pour savoir les tables, les chapiteaux, si on est obligé d'en mettre en tout hasard, mais enfin, surtout les tables, l'organisation, la boisson. Alors, il faut téléphoner. Alors, c'est pareil, vous allez pas y arriver à noter, mais enfin, je vous le note quand même. 06, c'est pas le même numéro que tout à l'heure. 06 08 69 98 55. 06 comme 06, comme les Alpes-Maritimes. 08 comme les Ardennes. 69, 69 comme Lyon. 98, bah là, il n'y a pas de département, non, tant pis. Et 55 comme la Meuse. Bon, si vous ne l'avez pas à retenir. Et après, ou alors VD, VEDE avec le E. C'est moi ça, VD, VEDE, mais pas VD, ils m'ont pas laissé VD tout court, parce qu'il fallait des lettres en lien, j'ai mis VEDE, 88, ça c'est pas difficile, et Orange, c'est pas difficile, @orange.fr, n'hésitez pas à vous inscrire, vous serez les bienvenus, vous pouvez toujours téléphoner aussi, en cours de route, et venir même si vous n'êtes pas inscrit, qu'est-ce que ça fait? Ça fera toujours un plaisir de vous avoir. Certainement. Voilà. Bah tiens, j'ai assez parlé pour l'instant. Un peu de musique. Et justement, les Strange Ladies dont je parlais tout à l'heure. Ah oui, ça serait bien de les écouter. Ça serait bien. Voilà, on va voir. Oui. Sauf que il veut pas démarrer le bout. Donc, petite rotation du buste. Cherchage. De disque et extraction de la boîte d'où il veut pas sortir, ce qui est plus difficile, mais voilà, ouais, éjecte, et là, Strange Ladies, qui était dans la soirée finale, c'est des filles de Nancy, enfin, vendeurs, réservoirs, enfin, il y en a des pinales, je les ai interviewées, ah, mais oui, c'est vrai, j'ai fait des interviews, je l'ai pas monté, j'ai oublié, je le ferai une autre fois. Et on va les écouter quand même. Remarquable groupe féminin, ce qui ne gâte rien. Je te flore, tu me faunes, je te peau, je te porte et te fenêtre. Tu m'osses, tu m'océans, tu m'audaces, tu me météorites. Je te clé d'or, je t'extraordinaire, tu me paroxysmes. Tu me paroxysmes et me paradoxes, je te clavecin. Tu me silencieusement, tu me miroir, je te montre. Tu me mirages. Tu m'oasis, tu m'oiseau, tu m'insectes, tu me cataractes. Je te lune, tu me nuages, tu me marée haute, je te transparente, tu me pénombre, tu me translucide, tu me château vide et me labyrinthe. Tu me parallaxes et me parabole, tu me debout et couché, tu m'obliques. Je t'équinoxe, je te poète, tu me danses, je te particulier. Tu me perpendiculaire et soupente, tu me visible, tu me silhouette, tu m'infiniment, tu m'indivisible, tu m'ironie, je te fragile, je t'ardente, je te phonétiquement, tu me hiéroglyphes, tu m'espaces, tu me cascades, je te cascade à mon tour, mais toi, tu me fluide, tu m'étoile filante, tu me volcanique, nounou, pulvérisable, nounou, scandaleusement, jour et nuit, nounou, aujourd'hui même. Je te concentrique, tu me soluble, tu m'insoluble, tu m'asphyxiant et me libératrice, tu me pulsatrice, tu me vertige, tu m'extases, tu me passionnément, tu m'absolues, je t'absente, tu m'absurde, je te narine, je te chevelure, je te hanche, tu me hante, je te poitrine, je buste ta poitrine. Je te corsage, tu m'odeures, tu me vertiges, tu glisses, je te tremblante, tu me séduis, tu m'absorbes, je te dispute, je te risque, je te grimpe, tu me frôles, je te nage, mais toi tu me tourbillonnes, tu m'effleures, tu me cernes, tu me chairs, cuir, peau et morsure. Tu me slip noir, tu me ballerine rouge, et quand tu ne ôtes à long pas mes sens, tu les crocodiles, tu les phoques, tu les fascines, tu me couvres, je te découvre, je t'invente, parfois tu te livres. Tu me lèves humide, je te délivre, je te délivre. Tu me délires et passionnes. Je te cuisse, je te caresse, je te frissonne. Tu m'enjambes, tu m'insupportable. Je t'amazone, je te gorge, je te ventre, je te jupe. Je te jarretelle, je te bats, je te barre. Oui, je te barre pour clavecin, sein et flûte. Je t'épaule, je te vertèbre, je te cheville, je te cils et pupille. Et si je ne m'oplate pas avant mes poumons, même à distance, tu m'aisselles, je te respire. The Strange Ladies dans, dans le premier air de leur disque qui s'appelle qui n'a pas de nom, mais c'est dommage parce que enfin elles ont chanté ça quand même à Vanier au Plateau Ivre. Bon, elles sont remarquables, ces filles, et ça vaut le coup de vous en faire entendre d'autres extraits. Je les avais enregistrés en livre, donc aussi. Voilà. Eh bien, ceci nous permet de passer à la suite. Sans transition, comme on dit, dans les radios. Dans les grandes radios, ou les moyennes radios. Ou les petites radios, comme nous. Ouais, donc, un deuxième week-end. Je vous l'annonce déjà, parce que la semaine prochaine, j'y serai pas. À moins que j'arrive à faire une émission en off, dans le temps de midi, puisque notre ami Lia n'est plus là en ce moment. J'ai oublié de lui demander si je pouvais passer lundi. Je verrai avec elle, je négocierai. Mais de toute façon, j'enregistre aussi pour les autres radios de la coordination des radios, Radio des Ballons et Résonance FM à la Bresse, et Radio des Ballons ici d'ailleurs aussi, concurrente, mais bon. Et également à Otio surtout. Là, c'est pas concurrent, on n'y passe pas beaucoup. On n'y arrive pas. Ouais, c'est dommage, parce que moi, j'arrive pas à l'écouter. Par contre, j'entends Radio des Ballons. Voilà, moi, je suis abusant. Hein. Oui, donc, disais-je, deuxième week-end, qui est les journées du patrimoine. Et alors là, il y aura tout simplement les visites du Théâtre du Peuple. On revient au Théâtre du Peuple, évidemment, il est central. Et il y a des visites gratuites, même si ce n'est pas clairement indiqué sur les affiches. C'est un peu confus entre les annonces de visite à 3 euros, parfois à 2 d'ailleurs, suivant les gens qui font visiter. Si c'est moi, c'est 2. Bon, et, enfin ça dépend, il y en a qui font quasi gratuit, il faut tomber sur eux, mais je ne vous dirai pas qui. Et donc, là ça sera les visites gratuites, en tout cas des journées du patrimoine. Alors ça commencera à 14h jusqu'à 18h, le samedi. Le dimanche, ça continuera de 10h à midi et de 14h à 18h. Ça, c'est donc les visites gratuites du Théâtre du Peuple. En dehors de la saison, c'est aussi un monument à découvrir. Soit que vous y ayez déjà été, c'est ce qui est évidemment aussi l'occasion de le retrouver dans le silence, dans un certain silence en tout cas, et dans la beauté de la nature automnale. Voilà, le beau Théâtre du Peuple. Et puis, donc, le samedi 15, il y aura un concert. Alors ce concert, c'est pareil, c'est comme je disais précédemment, j'ai parlé de tumulte pour le Théâtre du Peuple, et on peut avoir pour ce concert également, qui est organisé par Ideal 88, on peut avoir des places à 10 euros à l'église de Busson. Concert Ombre et Lumière dans l'Angleterre du XVIIe siècle, par trois femmes remarquables qui sont un trio, donc, puisqu'elles sont trois, hein, voilà, vous auriez deviné. Et elles sont avec des instruments extrêmement rares, des instruments comme la viole de gambe, l'archi-luth, vraiment, archi-luth, et le théorbe, qui est un très gros luth. Alors tout ça, c'est à découvrir, elles montreront, et elles feront entendre des musiques de John Doveland et de Henry Loves, que vous connaissez bien, musiciens, élisabétains du XVIIe siècle, XVIIe, voilà. La musique baroque, dans toute sa splendeur. Et le lendemain, encore de la musique et de la lecture. Alors là, c'est exceptionnel. Nous y reviendrons aussi, sans doute dans la soirée, plus en détail. Mais il s'agit déjà, j'en le dis, de... Alors là, c'est... Autant c'est payant le concert précédent, mais il faut y aller quand même, c'est pas trop cher. Hein. Moins de 16 ans, 5 euros, 10 euros pour les plus de 16 ans, qu'il y en a beaucoup, les plus de 16 ans. Et... Ombre et lumière de l'Angleterre au XVIIe siècle. Donc, ça peut, on peut les avoir, les billets pas chers, à 10 euros, en contactant moi-même. Alors, c'est pareil, 06 comme les Alpes-Maritimes, 83 comme le Var, jusque-là, ça va, 17 comme la Charente, hein, mais il y en a deux, 17. Ouais. Il y a 240, je crois, d'ailleurs, 16. Ça, c'est 17. Et, enfin, en tout cas, c'est 17. 66, comme les Pyrénées-Orientales, Perpignan. Et 36, comme l'Indre. Ah oui, l'Indre. L'Indre, voilà, avec ça, vous pouvez retenir. Et, ou association recré@yahoo.fr, ou ved88@orange.fr, que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est celle-là la plus facile. vede88@orange.fr. Voilà. Et donc, vous pouvez vous inscrire et avoir 10 € le billet que je vous donnerai à l'entrée de l'église, devant l'église, carrément. Pas dedans, parce qu'on n'a pas le droit dedans. Devant. Voilà. Et le dimanche 16, donc j'en reparlerai, disais-je, encore de la musique, qui est celle-ci est entièrement gratuite, avec un quatuor à cordes de Jean-Claude Lusson, le chef de chœur, si je peux dire, et de trois femmes remarquables, Catherine Calais, Hélène Schneider et Marie-France Mangenot. Marie-Françoise Mangenot. Alors, elles accompagnent des lectures sur Jean Potser. Jean Potser, qui est le fils de Maurice Potser, qui est mort en 1918, et ça fait les 100 ans de sa mort. Il y a un petit monument près du Théâtre du Peuple, d'ailleurs, qui lui est consacré. Mais il n'est pas là, il est enterré dans le Nord. Il est mort comme infirmier, héroïquement, pendant ce cours, des blessés. Parfois même, c'était les Allemands. Le coup là, il est mort en pacifiste, comme il était. Il correspondait avec Jaurès avant la guerre. Et il ne voulait pas porter les armes. Et ce Jean Potser est au centre du mythe du Théâtre du Peuple, de tout ce qui a inspiré l'œuvre de son père après, par la suite, Maurice Potser. Donc, pour les 100 ans de Maurice Potser, les lectures sur un de nos méchants. Texte, titre qu'on a déjà entendu il y a 3 ans dans une remarquable forme. Mais, c'est pas exactement la même, enfin, c'est plutôt complémentaire, car, bon, moi-même, j'avais participé avec Vincent Gotaz, son ancien directeur, m'avait demandé. J'avais le livre de nos maisons qui était rare, que j'avais trouvé dans le Midi, dans une brocante, allez savoir, à Salon-de-Provence. Et puis, on savait que je l'avais, il n'y en avait pas beaucoup qui l'avaient. Et ce livre de nos maisons a été complété quand même par Lettre d'un fils. Il se trouve que donc, il m'a demandé le livre, Vincent Gotaz à l'époque, il m'a demandé quelques poèmes de Maurice Potser pour illustrer, et de ce fait, dans la composition par Marie-Claire Hutz, elle a plutôt utilisé, Marie-Claire, des lettres de Maurice, de son fils, de Jean à Maurice, qui ont été éditées, elle, dans Paroles d'un fils, qui ont été rééditées, cette fois-ci récemment. Et bon, elle n'a pas trop utilisé la vie de nommé Jean, la vie totale de Jean Potter, que nous on reprend depuis l'enfance, de Jean jusqu'à sa mort. Tout en choisissant, j'ai choisi, les extraits qui diffèrent totalement de ce qu'on a entendu en 2015, justement pour pas faire doublon. Donc vous pouvez venir écouter d'autres aspects de la vie de Jean, et surtout sa pensée, sur laquelle on a beaucoup développé, et sa pensée politique, philosophique, voire religieuse. La pensée de Jean qui a tant imprégné l'âme du Théâtre du Peuple, par la suite, et l'œuvre de son père. Jean, c'était constant, Jean était une référence constante. On va trouver plusieurs fois des héros pacificateurs qui auront le visage de Jean, qui évoqueront Jean, des héros qui réconcilient les peuples, des héros qui vainquent les forces brutales comme Jean de l'Ours plus tard, ou encore le nom de Jean, on va le retrouver constamment. Et par exemple, Frédéric Potser, lorsqu'il était à Radio Liban en 1943, se fera appeler Jean des Vosges. Donc Jean était partout dans l'âme de ce théâtre. Et Pierre-Richard Wilm, ami de Jean, a remplacé celui-ci dans l'affection de ses parents. Pierre-Richard Wilm était venu en 1911, jouer dans Judas Iscariote, et il a été... Pierre-Richard Wilm, après, le fils, il a remplacé le fils disparu dans l'affection des Potser et dans toute l'œuvre de Busson, puisque il a pris la direction du théâtre à partir de 1946, lorsque les Potser commençaient à passer la main, avant, bien avant leur mort d'ailleurs, voilà, en 1946. Voilà, l'histoire de Jean, c'est fabuleux. Voilà, ça c'est le deuxième week-end. Je reviendrai sur le troisième week-end un peu après de musique. Musique baroque, enfin, j'ai pas trouvé exactement de la musique anglaise, mais c'est plutôt de la musique Giovanni Battista de Pergolèse. C'est un peu la même époque, sera-ce le même tempo, peut-être pas tout à fait pareil, mais bon, c'est dans les temps en tout cas. Donc, eh ben, c'était Pergolèse, c'était l'Argo Essai, duetto. Et ça me fait penser que dans le concert de Busson du 15 septembre, il y aura beaucoup de voix. La voix est très prépondérante chez John Doveland. Primauté de la voix sur les instruments de musique, dit-il. Et là, la chanteuse, samedi, sera Anela Zins, qui est, qu'on connaît dans divers conservatoires, notamment à Besançon, Brigitte Grenet à la viole de gambe, et Monique Hogg à l'archilute et au théorbe, toutes personnes très réputées dans ce monde de la musique 16-17e siècle. Voilà. Alors, dernier point, avant de la suite, ça sera le 22-23. Esté, le château oublié. Là, j'y reviendrai parce que dans 15 jours, ça sera la veille de... Ça sera le lendemain de mon émission. Donc, il y aura une conférence le 22 à 20h à la salle des fêtes. 20h30. Il y a une erreur là, quelque part. 20h30 à la salle des fêtes. De Bussan. Sur Esté, le château oublié. Bon, c'est un château qui fait l'objet de beaucoup de discussions. J'y reviendrai. Il y a les théories de Charles Kramer, les théories des habitants du coin, les théories surtout de Francis Pierre, de Jean-Aimé Morisot aussi, historien local, et de Remiremont aussi, qui est bien connu vice-président de la société l'histoire locale de Remiremont, Jean-Aimé. Bon, je n'y viens pas dans les détails. Il y a les habitants du coin qui le situent à tel endroit. C'est un château qu'on connaît en 1560 et quelques, notamment un peu plus tard, sur la carte de Thierry Alix. Il est situé pas loin de la source de la Moselle. On l'appelle Château d'Esté, dans les anciens documents, 16-17e, puis Château de Mosello au 18e siècle. Bon, est-ce que c'est le même? Il y en a qui disent qu'il y en a deux. Et en tout cas, il a servi en 1612, mais à construire le bassin des sources par le duc de Lorraine, Léopold, à l'époque. Ouais, donc, c'était un bâtiment en pierre. Voilà. Et donc, on ira aussi le lendemain sur les lieux. C'est très escarpé à un moment donné, mais il faut le savoir. Mais bon, si on est averti, ben ça va. Et c'est pas très long comme balade, 1,5 km, mais il y a un moment, 300 mètres, très... Ouais, on prend son temps, quoi. Très raide. Mais je vous en reparlerai. C'est très important et je rappelle que Francis Pierre avait fait, et Dominique Kenbener avaient fait une conférence sur, justement, les mines de la Casemus et les mines de Forgout, dites mines d'or, qu'ils avaient démystifiées. Mais, bon, voilà, la question reste un petit peu en suspens. En tout cas, Château de Mosello, c'est encore plus. J'en ai parlé récemment dans la préface de l'histoire de Bussan, qui a été réédité au livre d'histoire, et il m'a été demandé, un livre de 1909 de Richard, Richard, c'est pas son prénom, ancien instituteur aussi, et il était préfacé par Maurice Potzer à l'époque. Donc tout ça, ça vaut la peine d'en parler dans la prochaine émission, dans 15 jours. Voilà. Et maintenant, avec transition, je vous passe l'émission que Michel a faite avec moi mardi dernier, et carrément c'est 22h, mais ne vous y trompez pas, c'est pas la mardi, c'est pas la parole à vous, c'est pas 20h, c'est 22, et c'est la rediffusion, mais comme c'était votre serviteur qui était sur la sellette, eh ben c'est bien de tout écouter, voilà, si on y arrive, hein. Ouvrir, voilà, parole est à vous, ouvrir, voilà, c'est marqué du... Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous. Alors ce soir, avec l'ami Vincent... Bonsoir. Voilà. Et puis, bonsoir Vincent. Et puis, bonsoir, bien sûr, ma co-animatrice Félicie. Ben, je vous salue toutes et tous. Alors, bon, il y a un point commun entre nous trois, c'est qu'on fait tous partie de l'association Recré. Oui. Voilà. Vivre et créer à la montagne. Ouais, ouais.

En cours de route, on peut dire que on parle bien sûr de l'association Recrée et puis des différentes activités de cette association Recrée, hein, bien sûr, il y a l'activité théâtre qui est très connue. Il y a les feux du ballon que l'on attribue ou non à Recrée, mais c'est bien Vivre Recrée à la montagne qui ont continué dans cette affaire de remonter les feux au sommet des montagnes. Il y a des lectures aussi et le travail qu'on fait en coordination avec l'UEV. Vincent en parlera certainement tout à l'heure, des ateliers d'écriture avec l'Union des écrivains vosgiens. Il y a un prix qui est remis à Fontenoy-le-Château tous les ans, le prix François Mathenet, qui a fondé l'Union des écrivains vosgiens il y a 50 ans. Bon, évidemment, la poésie a évolué. Enfin voilà, l'UEV puis le printemps des poètes aussi. Est-ce que la pause musicale est-elle prête? Voilà, nos techniciens en herbe, ils travaillent, mais bon, on peut continuer un petit peu en attendant de lancer cette pause musicale. Oui. Voilà. On va reparler bien sûr. Moi je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours. Ni jaquette, ni mirage, ni de faire demi-tour. La fédérée, je me suis tapé sur son bureau. Les fantômes du syndicat des marchands de certitude qui sont glissés jusqu'à Badu. Aux gens, mon attitude. Cette patrie populaire, la goût de la solitude. Là, on a mêlé deux sons un petit peu différents, qui sont d'une part la voix de Michel Zinini et celle de Popol. Popol Souvé. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu deux morceaux qui sont partis en même temps, mais ça fait rien. Tous les rapaces du pouvoir menés par un coup de sinistre, plongeant vers moi la musique, piètre accordéoniste. Je crois pas qu'il y ait de parler des joies de la vie d'artiste. Le côté voilà un chaos toujours aussi lunatique. Son œil est rempli de sable, sa bouche pleine de vernis. Dans son violon ou dans un cimetière de vieilles mécaniques. Bon, là j'en vois à la fois plusieurs séquences qui se recoupent les unes les autres et qui passaient pas, qu'on a envoyé, qu'on n'entendait pas. Donc là, il y a un problème, je vais changer d'illustration. On va repasser des disques si tu as besoin de musique, Michel. Je m'excuse, mais c'est très embêtant ça. Ça va être bien passé là. Je vais réessayer. Voilà, en direct. Il m'a dit que pour tout mon île, vous auriez pas vu la mer. Va falloir que je parle du thermonucléaire. Quand on est dans le désert, depuis trop longtemps, tout dans la quille s'attelle, toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut faire jouer les yeux bandés. Hier un homme est venu vers moi d'une démarche un peu très lente. Il m'a dit t'as-tu combien de jours? J'ai répondu bientôt 30. Je me souviens qu'il espérait tenir jusqu'à 40. Quand j'ai demandé son message, il m'a dit d'un air tranquille, les politiciens sont tous la nazie. J'ai compris que je pourrais bientôt regagner la ville. C'était dans le désert. Depuis trop longtemps, c'était mon la guide, sa sœur. Toutes les règles, un peu truquées, du jeu qu'on veut faire jouer les deux bandés. C'était dans le désert. Depuis trop longtemps, c'était mon la guide, sa sœur. Toutes les règles, un peu truquées, du jeu qu'on veut faire jouer les deux bandés. Ouais, la sélection n'était pas terrible de ma part. J'avais fait une sélection pour illustrer l'émission de Michel. Eh oui, bon, j'ai pas trop choisi, voilà. Que l'on poursuit, que l'on frappe, c'est elle qui se sent.

Et manque de peau ou peau, enfin bon, on l'a refaite ailleurs à l'ancienne école qui elle était plus récente, les années fin du 19e siècle, début du 20e. Et on a fait une belle maison des associations à Bussandou. Le presbytère est laissé un peu en plan, le théâtre du peuple s'y était un peu intéressé, mais ça a tombé. On devait y faire un musée, mais ça a tombé. Et voilà que les bruits ont commencé à courir il y a, enfin, en novembre 17. On se dit, mais attention, on va vouloir le détruire. Pourquoi ? Parce que on ne savait pas quoi en faire, on ne voulait pas y mettre des sous, voilà. Donc, nous, on a commencé à s'inquiéter, à soulever un peu l'opinion par-ci par-là, à contacter divers acteurs, dont le Théâtre du Peuple d'ailleurs, mais qui avait d'autres chats à fouetter, y compris une vieille maison attenante à sa maison la plus vieille, un peu plus vieille, 1714, qui est la Popote. Bon, bref, ce presbytère qui est une des maisons les plus anciennes, et surtout maison de style, les plus anciennes de Bussan, qui donne le cachet 18e siècle à ce quartier-là, proche de l'église, hein. Il est attenant à l'église, et il accueille aussi le square Maurice Potcher, où il y a le nouveau buste de Maurice Potcher, enfin, non, le nouvel emplacement du buste de Maurice Potcher, pardon, fait dans les années 30, et on l'a déplacé là, parce qu'il était plus près de la route nationale avant, et là on l'a mis dans un nouveau square. Ça a même servi de départ pendant toutes les années de Vincent Goethals à la saison du Théâtre du Peuple, qui démarrait à partir de 2012, c'est ça, 2012 de là. Pendant 6 ans, on a eu les débuts de saison. Bon, la tradition n'a pas perduré pour l'instant, mais en tout cas, voilà, c'est un lieu important, culturel. Et il y a le parcours Potcher aussi, dont je suis, j'y suis pour beaucoup, effectivement. Et ce fameux parcours Potcher, donc, parle justement de cette vieille ferme, cette vieille bâtisse, c'est pas une ferme, ça a l'aspect d'une, en fait, c'est plutôt l'aspect d'une bâtisse alsacienne. Et d'ailleurs, on le voit sur des vieilles reproductions du 18e siècle, et du 19e aussi, et, le presbytère a donc été édifié à l'époque, selon l'architecte du Parc des Ballons, sur le même plan, sur le même type de construction que les presbytères de la vallée de la Ture, de l'autre côté. Alors, c'est donc un même architecte qui aurait élaboré tous ces presbytères, donc qui donne un style particulier. Et un cachet particulier. Alors, on voit bien d'ailleurs les linteaux des fenêtres, c'est typique 18e siècle. Alors, c'est un beau monument. Alors, voilà. Là-dessus, donc, on s'est dit, recréer, donc c'est l'émission ce soir, c'est libre, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a des idées, on a des bras, et on a proposé au maire de sauver le lieu. Alors, la destruction était prévue, et même votée, c'est paru dans le journal. Alors, le maire nous a reçus avec bienveillance. Pour lui, ça lui paraissait intéressant qu'une association veuille essayer de reprendre. Bon, et il s'était donné, lui, un but, en cas de destruction, de garder la charpente, qui était en bon état, pour en faire une halle historique, avec justement le square Maurice Potcher. Bon, à la rigueur, c'était quand même pas une bétonisation pur et simple, bon, on gardait un esprit. Mais si on peut garder le bâtiment, ça sera encore mieux. Alors nous, on a fait venir le 25 juin l'architecte des bâtiments de France, qui a trouvé que c'était sain. Les deux architectes, d'ailleurs, ont trouvé que c'était un bâtiment sain, qu'il, pour un bâtiment de 300 ans, il valait le coup. Et il y a un peu de travaux de charpente à faire sur le versant ouest, mais c'est tout, encore ça a été reconsolidé. Et donc, à nous de faire un projet culturel, et on a un an à peu près pour relever le défi. Alors c'est pour ça, c'est pas rien que cette journée du 16 septembre au presbytère, devant le presbytère. Bon, évidemment, en cas de pluie, c'est la salle des fêtes, mais qui est proche. Mais voilà, on espère donc retrouver du monde. Et là aussi, outre, bien sûr, la mémoire des 100 ans de la mort de Jean Potcher, eh bien, refaire premier pas, faire un premier pas pour la sauvetage, pour la sauvegarde du presbytère. Voilà. Eh bien, avant de passer à la suite, qui va être constituée par des rebonds sur ce qu'on a écouté, d'ailleurs, finalement, j'ai de quoi vous faire écouter. Et je vais vous passer, effectivement, faire connaître Lucie Galland, qui est une chanteuse autrichienne. Autrichienne, qu'est-ce que je dis, autrichienne? Australienne. Ouais, pas confondre. Aussi belle que talentueuse, et qui était à Fontenoy-le-Château pour le 7 août, 4 août, je ne me rappelle plus. Bon, bref. Si, c'est vrai, c'est... Non, le 4. Le 4 août pour les voyageurs d'une nuit d'été. C'est une manifestation qui depuis 2 ans, bien, depuis 2 ou 3 ans, en fait, c'est à l'occasion du prix François Mattenet qui est attribué. Parfois, il n'est pas attribué. L'an dernier, il ne l'avait pas été. Bon, on va écouter justement, si je peux retrouver, ça serait bien de retrouver notre lauréate corse. Eh bien, cette manifestation avec Vanina Krex est devenue une manifestation d'importance. Avec beaucoup d'artistes. Voici un petit aspect avec Lucie Galland. Et nous, on y était aussi avec un parcours de Alice au Pays des Merveilles, avec l'Union des écrivains vosgiens aussi. Voilà. Voilà, Lucie Galland. Smile, your eyes are so beautiful. I loved you many lifetimes. Out there the war is going hard, and they just called your card. I hope you make it back alive. Without you my soul might die. Cause if it's meant to be, you'll come home to me. You will marry me, then we'll start a family. Cause now I can't go. Lucie Galamban, ben c'est pas le meilleur de Lucie. Je me demande dans quelle mesure sa voix n'est pas un peu noyée là par l'instrumentalisation. J'avais trouvé beaucoup plus saisissante dans les enregistrements en live, comme on dit en français, à la guitare. Mais ce sont des enregistrements que je vous livrerai ultérieurement, quand je les aurai bien préparés, bien sûr. Voici, eh bien, à l'occasion de c'était le prix Matenay, il a été attribué à une jeune Corse, of course, qui avait planché sur le thème des intelligences artificielles. On va l'écouter, si mon enregistrement est correct, je pense, oui, ça devrait faire, voilà. Voilà, voilà. Alors, moi, je m'adresse à la lauréate du prix François Matenay. Vous êtes donc. Je vais vous demander de vous présenter. Votre nom. Je m'appelle Amalia Luchagne. Je viens de Corse. J'ai 24 ans et je viens de finir mes études en histoire. Voilà, j'ai un master. Alors donc, cette nouvelle, c'est vrai que vous n'avez pas voulu la lire, c'est dommage, vous l'avez lue. D'habitude, le rituel veut qu'on lise. Évidemment, c'est chaud, mais... Non, s'il avait fallu la lire, j'aurais fait avec, je l'aurais lu, mais on m'a dit que c'était pas la peine, donc... Dommage. Oui. Ça donne un peu plus de solennité au rituel. Hein. Et chaque lauréat, elle doit y passer, mais bon... Ah non, on m'a pas dit, donc... Bon, alors, on va parler de votre nouvelle, non, d'abord de votre écriture. Qu'est-ce que c'est qui vous a amené à ce prix? C'est le thème. C'est le thème intelligence artificielle parce que c'est un thème que j'aime beaucoup. Parce qu'on m'a fait, mon compagnon m'a fait découvrir ce thème chez Asimov, qui est un grand auteur qui a quasiment tout inventé dans ce domaine. Donc vraiment le thème m'a beaucoup plu. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas tenter un concours. En plus le thème me plaît. Donc c'était un bon. Tout se présentait bien, quoi. Et en dehors de ça, vous avez déjà édité Non, jamais. Je gardais tout pour moi. Ah ouais. C'est le premier concours que vous faites, vraiment. On tombe dessus par Internet. Oui, j'ai cherché un petit peu et j'en ai noté quelques-uns. Et ça, c'est vraiment ce thème-là qui me parlait le plus. Donc pour me lancer, j'ai quand même préféré privilégier un thème qui vraiment m'inspirait. Voilà. Sans vous demander la lecture, je pourrais la faire à la radio moi-même, mais vous pouvez nous rappeler un petit peu le contenu de votre nouvelle qui a plu au jury. Déjà, moi, je pensais vraiment qu'il fallait éviter un thème un peu cliché qu'on voit souvent, à savoir la machine qui va se rebeller contre son propriétaire ou alors la machine qui va se faire passer pour un humain et à la fin on découvre qu'en fait c'était une machine. Voilà. Voilà. C'est pas inintéressant, remarquez-le. Oui, mais moi je pensais qu'il fallait quand même essayer de se démarquer, quoi, parce que si on veut faire justement ça, il fallait que ça soit excellent, quoi. Et... Donc moi j'ai, en pensant Asimov, et ça, j'ai été inspiré aussi par la controverse de Valladolid, en fait. Ah, mais oui, tout à fait. Voilà, c'est donc vrai. Du coup ça m'a inspiré, j'ai fait ce procès, donc à savoir, l'histoire c'est un procès où un humain est accusé d'avoir tué un robot. Il est porté au tribunal par une association d'intelligence artificielle qui lui disent qu'il a tué un robot, alors que lui se défend en disant simplement qu'il a débranché une machine. Donc à partir de là, on réfléchit sur où sont les limites, est-ce que vraiment ils ont, sans parler vraiment d'âme, mais est-ce que tout simplement on leur porte préjudice si on les débranche, et à la fin il y a un dénouement, un peu comme la controverse de Valladolid, qui fait penser que effectivement il s'agirait d'un meurtre si on s'en prend comme ça à une IA. Ah mais c'est vrai, j'y avais pas pensé à la controverse de Valladolid, mais vous êtes historienne? J'ai un master d'histoire. Ah mais voilà, ça c'est ça. Vous l'avez passé où? Chez moi, à Corté. À Corté? En Corse. Ah, c'est à quelle université? Oui. À Nice. Oui, d'accord. Oui, alors, et vous... Ouais, c'est vrai que c'est tout à fait ça. C'est ça qui a séduit le... Ça, c'est très original, effectivement. C'est ça qui a fait que le jury, dont j'étais, d'ailleurs, vous a sélectionné. Alors, et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez, à part de rentrer en Corse, peut-être, mais... Je pense que je vais continuer, mais bon, peut-être maintenant plus trop écrire pour moi, essayer de le montrer un peu plus, d'essayer de faire d'autres concours. Ça va vous encourager. Oui, voilà. J'ai des idées de romans, mais que j'ai jamais vraiment concrétisé parce que je bloquais beaucoup. Je vais essayer au moins de finir ça, quoi. Ce sera déjà un accomplissement personnel et après on verra si ça plaît, tant mieux, mais si ça plaît pas, c'est pas grave. Ce sera au moins le fait d'avoir fini quelque chose. Et... Alors il y a une époque où on ne fait plus trop notre revue Les Cahiers Vosgiens, publiée le prix Matenet, parce que François Matenet a créé l'Union des Cahiers Vosgiens il y a 50 ans d'ailleurs, en 68. Et donc c'est pour ça on le publie, mais on ne le fait plus trop maintenant parce qu'on n'a plus une publication régulière, mais celle qu'on vous a donnée est un. Dans le concours il y a 3 ans, Insurrection Poétique. Oui, bah écoutez, bravo. Alors, vous êtes surpris par la fraîcheur des Vosges? Oui, je pensais qu'il ferait frais, justement, que j'allais arriver, que ça allait me changer, mais non, il fait aussi chaud. C'est compliqué là. Voilà, écoutez, bonne continuation. Merci. Mais oui, faites-vous servir. Oui, donc voilà, c'était. J'ai pas tout coupé la fin. La fin, c'était le bistrot. Effectivement, c'est l'idée de. Ça serait bien que je vous lise sa nouvelle. Parce que c'était très intéressante. Il y en avait d'autres intéressantes. Moi, j'avais voté d'ailleurs pour d'autres. Je trouvais qu'il y avait pas mal d'inventions. Alors qu'au début, le sujet me paraissait un peu aride, les intelligences artificielles, mais pas du tout. Il y avait beaucoup d'astuces. Et d'autres qui écrivaient très bien. Bon, il y avait pas mal de la région aussi. Effectivement, des Vosges. Le prix jeune a été attribué à une jeune nancéenne qui n'était pas là, et qui était très intéressant, ce prix jeune. Tout ça, il faudrait que je vous le lise aussi, oui. Tellement de choses à faire. En tout cas, les cahiers vosgiens dont je parlais, l'Union des écrivains vosgiens, sont parus. Il faudra que j'en parle aussi. Ils ont attendu, en fait. C'était les cahiers vosgiens sur des textes essentiellement de 2015, sur l'insurrection poétique. Bon, pour le joindre au thème 2018, on a joint l'idée de l'insurrection poétique à l'ardeur, puisque les deux thèmes se faisaient écho. Et donc, il est paru. Et on va le trouver, après-demain, au Forum des associations à Épinal, si vous le voulez, le voir, et l'acheter, 5 euros, c'est pas cher, et il est joli, avec une belle illustration du griffon insurrectionnel de Odile Quesnel, un auteur et à la fois écrivain et plasticienne. Je voulais vous passer, en fait, ça c'est le Diovi Salvi Regina, mais c'est pas la meilleure version. Donc, un hommage à la Corse, à notre lauréate, je préfère vous passer la Lettera alla Mamma, bien plus forte, par les voix de l'émotion. Mamma risponde un po'. una rondine. Répondez non pousse par les voix de l'émotion. Comment vous voulez que vous voyez, vous voulez, comment vous ne voulez pas en tout cas, qu'avec de telles voix, on ne soit pas poussé dans la création comme cette jeune fille, femme, tout à l'heure. Voilà. Mais il faudra que je vous fasse écouter le texte une autre fois. Quand on aura le temps, oui. Alors, en parlant de temps, j'ai parlé d'un de nos maisons tout à l'heure, et de l'émotion. Ben là, vous allez avoir un extrait de cette forme qui sera donnée le 16 à Bussan, un extrait de cette forme qui a été donnée à Fraisse pour la première fois en novembre 2017, dans le cadre du comité de la guerre de Fraisse. Chaque année, le comité de la guerre à Fraisse célèbre, si je peux dire, commémore les 100 ans de la guerre, de la Grande Guerre. Et là, c'était l'année 17, l'année du pacifisme. Alors, c'était encore pas le centenaire de la mort de Jean, mais c'était l'année du pacifisme. Et quelle meilleure figure que Jean Potcher pour illustrer cette année du pacifisme, dans la région, en tout cas. Voilà. Donc, à nous, à Fraisse, un extrait avec le quatuor à cordes de Jean-Claude Husson, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc des lecteurs de recrée, je les nommerai ensuite, on verra, hein. Et puis les musiciens aussi, je les nommerai après. À temps faire, voilà. C'est là-bas, à l'est de la France, tout près de ce qui pendant 48 ans fut la frontière de deux pays. Les montagnes y forment un escalier au degré arrondi et tendu de forêt, trame verte que l'automne brode de jaune, de pourpre et de lilas. Le décor en est grave. Les sapins, la nuit, font sentinelle à l'entrée du col, qui depuis des centaines et des milliers d'ans sont des passages militaires souvent forcés. Les sommets dressent des fronts chauves sur la houle des bois. Sans trêve, y souffle une brise toujours fraîche et piquante. L'hiver, la neige simplifiant ce paysage et l'enveloppant d'un grand silence, ne lui ôte l'amabilité que pour lui donner de la grandeur. Jean fabriqua un planeur de grands modèles dont il avait calculé, fixé et assemblé toutes les pièces. Le jour où ses pieds quittèrent la prairie qu'il avait longtemps écorchée et où ils parcoururent quelques mètres à deux ou trois pieds au-dessus du sol, il fut aussi heureux et aussi fier que s'il avait gagné une grande victoire. Il s'acharnait à réaliser la création qui devait satisfaire à la fois son rêve de calculateur et son rêve de poète. Machine par la vertu de la mécanique et par la puissance de l'intelligent, l'oiseau. D'autres occupations se partageaient ce temps de vacances. Les promenades en montagne, seules ou avec quelques compagnons, de grand matin, dans la fraîcheur des bois mouillés, de rosée, ou parfois à travers la nuit, pour voir du haut d'un sommet atteint, avant l'aube, le lever du soleil. C'était moi. Ouais, bon, tant pis. En tout cas, les musiciens, quand tu raccordes, c'était Jean-Claude Dusson. Bah, je commence par lui, parce que c'est lui le meneur. Mais les autres ont des gentes-femmes, des gentes-dames. C'est donc Catherine Calais, Hélène Schneider, Catherine Calais de Remiremont, Jean-Claude Dusson de Fraisse, Catherine Calais de Remiremont, Hélène Schneider de Mirecourt et Marie-Françoise Mangenon de Nancy, je crois, hein, ou le secteur. Ah, Nancy, ou à peu près, on ne sait jamais trop. Et donc, aux lectures, eh bien, nous avions en novembre, on n'a pas entendu tout le monde, Maggie Louis, qui reviendra donc dimanche, 15-16. Nous avions Marie-Noëlle Poirot, qui, elle, ne sera pas là, Maggie-Louis du Tio, Marie-Noëlle Poirot des environs de Lure, enfin à côté. Nous avions Marie-Claude Collin, qui sera là, toujours, de Bussan, Evelyne Saint-Dizier de Saint-Maurice qui sera là aussi. Nous aurons également votre serviteur et sera en plus là qui était présent avec nous à Vittel puisqu'on a redonné à Vittel le 11 août. Il y avait d'ailleurs du monde dans le parc, c'était dehors. Les mêmes conditions, un peu, espérons, qu'à Bussan. Eh bien, nous avions donc Christophe Philippe, et j'oubliais, mais on ne l'a pas entendu, Serge Pasquale, qui était surtout dans le rôle de Jean, souvent, qu'on reverra. J'oubliais parce qu'il n'était pas là en Vittel, mais il était là en novembre. Alors, c'est un tout petit extrait. C'est pareil, ça mériterait d'être... Il y avait une heure de spectacle. C'était juste pour donner un aperçu que j'avais pas, même pas pu donner, d'ailleurs, dans l'émission, du cher ami Michel. Voilà. Après un type de virgule, mais vraiment virgulette, hein, je vais passer à un autre extrait. Bien, c'était là le Stabat Mater de Pergolèse. Stabat Mater, dont aussi une version tout à fait moderne a été donnée dans l'église de Fontenon-le-Château, le même 4 août, lors des voyageurs d'une nuit d'été. Il faudra que je vous fasse écouter ça aussi. C'est quelque chose de remarquable. Et d'étrange, en tout cas. Mais peut-être remarquable aussi, les deux. Au sujet des extraits, de courts extraits que je vous repasserai sans doute en entier dans un autre moment de l'année, eh bien, je vais vous donner un retour sur la performance de Contrecœur Insolite. Ouais, c'est ça. Avec l'Union des écrivains vosgiens, nous avons, cette fois-ci c'était le 17 juin, nous avons réalisé ce qu'on appelle une performance. Il y avait un musicien, alors c'était avec l'Union des écrivains vosgiens, avec donc des lecteurs, parmi les lecteurs que j'ai déjà cités, il y en avait quelques-uns, donc Isabelle Arnoux en plus, qu'on a connu à la radio, je vous cite ceux que vous connaissez, Christophe Philippe, bon, Denis Laurent, vous ne le connaissez pas, mais on va le nommer, il est de l'UEV de Contrex. Et il y avait Félicie, alors surtout, notre amie Félicie qui faisait Alice. Et puis, il y avait moi-même, donc Evelyne, bien sûr, toujours. Félicie de Remiremont, Evelyne, toujours de Saint-Maurice. Et donc, Et il y a aussi Nelly, qui est du Nord. Voilà, on était tous électeurs. Et l'idée, c'était de donner des textes qu'on avait écrits dans un atelier d'écriture exprès sur Alice au Pays des Merveilles, puisque le thème de Contrecœur Insolite, c'était Alice au Pays des Merveilles. Donc, on avait fait un atelier d'écriture précédemment, animé par Odile Quenel, dont j'ai parlé. Odile Quenel, qui est de Meurthe-et-Moselle, de Vatimesnil, enfin, près de Lunéville. Et elle était venue à Contrex, et elle nous avait fait phosphorer, on avait sorti plein de textes très, très allumés, que Denis Laurent a remis en ordre, si je peux dire, ou en désordre, comme on veut, dans un désordre heureux. Et c'était pour alimenter une performance, comme on l'appelle, avec d'une part un peintre, Thierry Perquin, qui peignait au fur et à mesure un tableau. On avait fait la même chose au Printemps des Poètes, mais sur le thème de l'ardeur avec lui, et aussi avec le musicien Alain Yen qui improvisait. Et là, c'est donc cette performance dont je voulais vous faire écouter un petit extrait. Voilà. Curieusement, elle lui mit la tête en bas. Elle s'y vit la tête en bas, comme si la glace avait été concave. C'est bien normal, pensa-t-elle. Un miroir de l'autre côté du miroir ne se comporte pas comme un miroir de l'endroit. Lequel ? Quel endroit ? Celui où elle était avant ? La porte de l'inconnu ne s'ouvrit pas. Porte blanche. Blanc de blanc. Le lapin s'était posé lui-même invisible. Aïe, fit-il, Alice, en se cognant. Oh, Alice, dit la reine, coupe-toi la tête. Ça passera mieux l'invisible. De l'autre côté du mouroir. Hé, hey, attention où tu mets les pieds, lutin frappeur. L'image kidnappée par un débris de miroir. Que vois-je dans les nuages? La moitié de mon visage sur un miroir de poche? C'était durant la grande conflagration des fougères aigles. Le soleil leur est tombé dessus sans crier gaffe, chauffant les vrilles grillageuses à blanc. formait, volubile comme un serpent de mer, parlait, parlait. Personne ne l'écoutait, les pensées tournoyaient. Les joncs se marraient, le pissenlit s'enlisait, les pâquerettes se miraient. On entendait hurler la passion dévorante, étouffante, strangulante du chèvrefeuille, enlaçant de toute sa fougue le chêne, qui ne partageait pas du tout les mêmes sentiments. Chacun menait sa vie de chien don, de trèfle à cinq feuilles. Moi, dit le pissenlit, j'ai plein d'amis. La preuve, c'est qu'on m'adore en salade. Hé, hey, patate, t'en as pas marre de carotter toute mon eau? Le persil, tombé amoureux de son arrosoir, pleurait tous les soirs quand on le privait de son ami. La salade était devenue toute bigote, toute dévote, et se fondait en prière pour que les vers ne la mange pas. Dans le frigo, le chou faisait chou blanc. Et dans le jardin, toujours la zizanie régnait. Les haricots verts ayant affaire au racisme de la tomate. Hé, vous êtes tout vert. Vous devriez aller vivre dans l'autre côté du jardin, là-bas. Les fraises décidèrent de s'exiler au fond du jardin. Voilà donc un extrait de ces écrits échevelés. Là, on est plus près de la musique qu'on entendra à Bussan, à l'église, le 15 septembre. Rappel, entrée 10 euros, 5 euros pour les enfants. S'adresser à moi-même, alors comment 06, comme le département, 83 comme le département du Var, Alpes-Maritimes, Var, 17 comme la Charente, enfin une des deux, le 16 c'est, oui, c'est 17, oui, c'est Charente, non, oui, 06, 83, 17, 66 comme les Pyrénées-Orientales, 36 comme l'Indre, voilà, c'est facile, ou VEDE, V comme moi, E, E, D comme moi, D, V, D, V, E, D, E, j'ai mis D, E au milieu, pour ce que j'étais obligé, V, D, E, 88, 88, bien sûr, @orange.fr, voilà. Alors, je vous attendrai devant l'église, pas dans l'église, devant, avec les places, si vous me les demandez. Voilà. Mais maintenant, je vais retourner à la fête du ballon. Là aussi, il y a une grande émission que je dois vous faire, avec des tas d'écrivains. Je n'ai pas la place de vous les passer ce soir, donc j'y reviendrai. Mais je vous donne... Ben, écoutez, on en a parlé dans l'émission tout à l'heure avec Félicie, de son tonton. Son tonton, c'est Marcel Montémont, qui est le facteur cheval des Vosges, de Ramonchamp plus exactement. Il est vraiment rigolo. On va l'entendre, il a sculpté, on va l'écouter là. Allez Marcel, à toi Marcel. Ça va ? Ça a l'air de marcher là. Alors Marcel, cette édition depuis 2018, depuis des la siècles, nuit des temps. Hein, la nuit des temps qu'on te voit au ballon, alors ça a donné quoi cette année ? Ben, ça a été comme d'habitude, les gens sont émerveillés de voir des nouvelles créations. Hein, mais... ben justement, on va les présenter, les nouvelles créations, oui, parce que moi, je les ai vues, j'ai pas eu le temps de les contempler. Oui, ben, alors, on a quoi là ? Ça, c'est deux arbres, dont il y a un arbre qui représente le sexe de la femme et le sexe de l'homme. Ah, non. C'est une peinture érotique alors. Ah ben oui. Ah ben en levant le tabouret, mais ça j'avais pas vu. Oui. Une peinture érotique. Oui. Ah, dis donc. Oui. Mais voilà. C'est pas un sexe, c'est une érection. Non. Non. Non. Non. Non. Mais enfin, ça fait rigoler tout le monde. C'est... Oui. Oui. C'est quelle idée alors. C'est pas pornographique. Non. Tout simplement. La nature. Naturel. Oui, voilà. C'est la... Et naturel est fait avec des branches d'arbres. Oui, c'est pour dire que... Des racines. Que les arbres, des fois, travaillent mieux que nous. Ouais, qu'ils ont, oui, qu'ils ont comme une âme, oui, les arbres. Hein, oui. Avec un petit oiseau, là, qui est perché. Oui. Et puis une figure, là, ben, c'est une figure... c'est rigolo, ces figures-là. Il y a la fille. C'est des loupes de... Pas d'orme, comment de... Oh, je sais plus. Maintenant, j'ai perdu le fil des bois. Enfin, ça, c'est des loupes d'un arbre qui était très gros. J'ai dit au bûcheron, tu me les mets de côté, parce que c'est des loupes, je vais faire quelque chose avec. Ouais. Ah ouais, et puis ces sortes des dessins en or. Ah oui, des dessins en or, oui. C'est un lampadaire démonté. Ah ouais, un lampadaire qui fait des dessins en or. Oui. C'est un bel art de la récupération aussi d'ailleurs. Ah oui. Et puis à côté, on a une racine. On a oublié la moitié de la sculpture. Ah bon? Oui, c'était un tuya. Un tuya qu'on a fait, que j'ai fait. Puis là, là-haut, c'est l'Alsace. Ah! Le tambour de ma machine à laver. Ah ouais? Oui. Oui. Oui, alors donc, l'Alsace, le tambour de la machine à laver, oui. Oui, puis. Un pommier, j'ai fait des tulipes. C'est mon pommier qui était mort, ma foi. J'ai travaillé le bois, il était encore potable. Alors j'ai fait quelque chose avec de pas ordinaire, parce que les pommiers, ça pousse un peu n'importe comment. Ça donne des figures. Pour les sculpteurs, il arrive à faire toujours des choses. Ouais, ouais. C'est un pommier, alors. Alors, avec des photos d'Alsace, là. Ouais. Des vieux calendriers alsaciens. Oui. C'est ça, oui. Oui. Ouais, ouais. Mmh. Et derrière nous, alors. La Lorraine, une Lorraine, un pommier aussi. Une Lorraine? Oui. Ah oui, elle a encore un pommier, ça. Elle a les sabots à court. Et alors là, quand tu cherches une nouvelle peinture, sculpture, tu dois te promener dans la nature. Non, ça j'ai fait dans un tronc de pommier. Comme Cuny fait ses sculptures. C'est ça. Enfin, c'est... Et puis on a aussi une espèce de racine là-bas, là. La petite sculpture là. C'est un tuya. C'est la cime d'un tuya. Ah, d'accord. Alors, il a fallu que j'attende 2 ans pour que l'écorce, ça en aille toute seule. Parce que, autrement, on ne peut pas travailler avec l'écorce des bois comme ça. Oui. Ouais. Puis le portrait. Et le portrait de la jeune fille qui est noire. Oui, oh, noir, non. Ah oui, elle est bien bronzée en tout cas. Oui, métissée, oui. Sur la plage. C'est pas sur la plage de Ramonchamp, non? Non. Et alors, quelles seront les prochaines créations? Je sais pas, parce que c'est la santé qui. Ah, espérons quand même. Ça fait bien depuis. 10 ans, 15 ans que tu viens ici. Rien que la semaine dernière, j'ai enterré 4 copains dans la même semaine. On prend de l'âge. Tant qu'il y a le peps. On est malade. Tant qu'il y a la création. Oui. Et les gens sont contents, en tout cas, de voir ça. Oui. Mais j'achèverai mon œuvre si je peux. Ah ben avec plaisir quand même. Si Dieu le veut. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, merci. Merci Marcel. C'est moi. Mais qu'à Saint-Dien, c'est pas fini. Au fond, on entendait Michel Génini, voilà. L'amour, la joie, voilà. Ben tiens, ça, puisqu'il reste quelques minutes. Je vais vous faire écouter Michael Gérard, qui était au ballon aussi, et qui est un bon épinettiste et nickel harpiste. Et il est venu, d'ailleurs il a animé le forum des associations au Tio le 1er septembre. Et on le retrouvera après-demain, lors des lectures des textes qui ont été écrits à la 15 Mus, à Fort Goutte, là-haut, dans l'atelier d'écriture dont j'ai parlé tout à l'heure, et si vous avez bien écouté, si vous étiez là, et bien, donc, l'atelier d'écriture de Maggie Louis et de moi-même, sur la forêt, l'âme de la forêt, l'esprit de la forêt, donc, au lieu d'habitude, c'est un atelier de 2 heures, d'habitude, on lit les textes sur place, mais là, on attendra le soir, c'est Francis Cuny dans la cabane, pour les lire, et on aura des alternances musicales, et notamment, on espère avoir Michael Gérard. On va finir avec lui cette séquence, hein, puisque c'est moins 5 déjà. Eh bien, vas-y, Michael Gérard, à toi. C'était au ballon, lors de la fête du ballon, qu'il a animé avec Jean-Claude Dusson et avec Michel Génini. Thank you. Voilà, ça termine donc pile poil notre émission à 23h59. On va plus user la minute qui vient pour simplement dire au revoir, même pas en musique. Alors, c'est bête, il a perdu une minute là. Attends. Oh, mais alors, c'est pas ça. Eh ben si, voilà. C'est, ah ben là voilà, là, juste un petit coup de... Allez, un petit coup de Michel et Jean-Claude. Et hop, juste un petit poil. Voilà. Jour au dôme l'amour, quand il s'en lit avec les yeux, moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans redonder sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean, comme ailleurs, ma serment est un leurre. J'étais folle.